comme je t'aime encore et toujours. Je trébuche sur mon parcours. Je me raccroche à la poussière, au silence d'un